Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés, animée par Teddy et Fabien. Nous revenons tout juste de notre séance de Captain Marvel, donc, et qui est sorti le 6 mars. Donc, le film est réalisé par Ryan Fleck et Anna Boden. Je crois que c'est le 21e film du MCU. Donc, on retrouve au générique Brie Larson qui joue Carol Danvers, Captain Marvel. Samuel Jackson dans le rôle de Nick Fury, on va dire, au rajeuni. Il y a aussi Ben Mendelsohn qui joue le Talos, donc le Skrull. Mendelsohn, on le connaît aussi, c'est parce qu'il a incarné souvent les méchants. On l'a vu, par exemple, dans Ready Player One, où il était le directeur crédit dans Rogue One, si vous vous souvenez de Star Wars. Voilà, c'était un petit clin d'œil Star Wars parce que j'avais envie. Ouais, parce qu'on fait toujours des clins d'œil Star Wars. Oh. Ça peut notre valeur et talent. Ouais. C'est un peu le geek control, on va dire. Et puis, on retrouve aussi Clark Gregg, qui, moi, je trouve, visuellement, n'a pas beaucoup vieilli. Et on lui a rajouté quelques poils sur le caillou, et puis Clark Gregg qui joue donc Phil Coulson, l'agent du Shield. Voilà donc pour cette présentation, je vais te laisser d'abord, on va faire une émission en deux parties, donc avec les spoilers et sans spoilers, et je vais tout de suite te donner la parole pour ton avis sans spoiler. Alors pour un premier avis sans spoiler, moi je vais commencer par l'histoire en général, bon, une histoire que j'ai trouvée un peu bouche-trou avec tous les univers Marvel, on va dire. Voilà, c'est pas quelque chose de transcendant, ça reste un blockbuster qui se laisse regarder, mais avec des périodes où on s'ennuie quand même un peu. Enfin, là, c'est à mon niveau. Donc, voilà ce que tu voulais dire sur... Non, plus sérieusement, moi, j'ai passé 2 heures agréables, je veux dire. Comme tu dis, c'est pas transcendant. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu prévisibles dans le scénario, notamment ce qui concerne le parcours initiatique de Carol. Moi, j'ai bien aimé son personnage de femme forte. Je trouve que l'actrice est très bien dans le rôle. Ce que je déplore, par contre, c'est le côté un peu... nunuche de Sam, de Nick Fury qui fait des minous à un champ. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça, et c'est plutôt un personnage rigide dans le MCU. Là, c'est carrément un comic relief, on le voit dans la bande-annonce, donc pour l'instant, tout va bien. Voilà. Donc, et moi, je tiens à signaler que la bande-annonce, elle spoil le film à mort. C'est vrai qu'elle est très mal montée, et qu'il y a beaucoup d'intrigues qui sont en fait révélées, notamment, peut-être pas avec le show, mais on le détaillera tout à l'heure. Mais sur le fait que, on sait les Skrulls, tout ça, les cris, la guerre entre les Skrulls et les écrits, parce que c'est un peu ça le principe, avec les multiples clins d'œil. Moi, j'ai retenu notamment la phase où elle essaye tous les costumes. Bon, on voit un moment, il y a le costume original de Marvel de 67, quoi, le tout premier. Il y a aussi un clin d'œil à Miss Marvel, qui est justement Carol Danvers dans le comics. Comme je te disais, il y a aussi il y a ce côté. Il y a une Rogue, qui est aussi un personnage assez marquant. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que le personnage de Jude Law, il est un peu bâclé, et que la Star Force, elle sert un petit peu de balayer aussi cette espèce de commando qui, à première vue, promettait quand même pas mal quand même que de scènes d'action. Je trouve assez plate, par ailleurs, quand ils interviennent. Bon, moi, j'ajouterais que ils ont quand même soigné au niveau visuel, parce que que ce soit le décor de la planète Hala, bon, qui rappelle un peu celle de la planète des Nova, tu sais, les Nova Corps dans Les Gardiens de la Galaxie. Ouais, c'est un peu la même architecture, je vais dire. Ouais, ça m'a fait penser à un mélange entre le Nova Corps et le Wakanda. Ouais, c'est ça. C'est beau, mais est-ce que l'originalité prime, j'y mets un doute. Parce que finalement, on a un peu un formatage d'architecture. C'est beau à l'écran. Bon, au niveau de la représentation des pouvoirs, c'est assez impressionnant, on va dire. Il n'y a pas de fond vert dégueulasse, on va dire, pour une fois. Mais des fois, ça se voit un peu, mais c'est pas flagrant, je veux dire. Ouais, ça se surtout voit. Surtout quand Marvel vole dans les étoiles, quoi. Ouais, ça se voit un peu, mais ça reste pas dans l'effet d'un Thor Ragnarok avec un fond vert dégueulasse. C'est-à-dire que ça se voit que c'est du numérique, mais ça fait pas, comme tu dis, dégueulasse et irregardable, comme certaines scènes dans Thor Ragnarok qui avaient été rajoutées. Ouais. Donc, l'intérêt principal du film, je crois que c'est le personnage de femme forte, qui reprend un peu la vie. Et, comme tu dis, ça spoil pas mal dans le trailer, parce qu'il y a les phases de souvenirs. Le fait qu'elle soit prisonnière par les Skrulls à un moment, ça aussi, on l'a spoilé. Il y a quelques scènes qui vraiment, sont téléphonées. À part être téléphoné, qu'est-ce que tu penses de cette fibre intergalactique Ça, on en reviendra dans la partie spoil, bien sûr. Parce que pour l'instant, on est dans la partie no spoil, mais il y a quelques trucs qui font doucement sourire. Oui, oui, oui. Que ce soit au niveau scénaristique ou background, parce que j'adore ce mot. Passif. Ouais, voilà. Non, au niveau arrière-plan, pour référence aux années 90, ouais, y a quelques trucs qui sont un peu risibles. Un deuil, style, bah, à l'éclatant, un stand-up de Schwarzenegger. On voit qu'elle prend une espèce de cassette. Alors moi, j'ai cru comprendre, j'ai cru voir que c'est The Right Stuff. En fait, c'est le film L'étoffe des héros. C'était un film qui était magnifique parce que c'était sur le film sur l'aviation et sur la conquête spatiale, que je vous recommande chaudement d'ailleurs. Et ouais, il y a aussi le fait que l'ordinateur, avec elle tape d'un doigt, bon, c'est le vieil Internet, hein, c'est le CD-ROM, c'est le truc qui met 3 heures à charger, tu vois. Alors, les références informatiques qui plaisent aux geeks, ouais, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de clins d'œil, quoi. Est-ce que tu as d'autres choses à annoncer avant qu'on passe la partie spoiler? Avant qu'on passe à la partie spoiler, moi je vais dire, par exemple, pour le rythme, j'ai eu quelques ventres mous dans le film où je me suis un peu ennuyé. Ben, sinon, voilà, ça se laisse regarder et je pense qu'on va plus attaquer à ce partie spoil parce que sinon on va devoir se taire jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Ceux qui n'ont pas vu le film, ils ont juste à zapper. Voilà. Ouais, ou alors s'ils s'en foutent de savoir la suite. Oui, s'ils veulent, ils veulent tout parce qu'on va tout balancer, attention. Ah, tout. De A à Z. Voilà. Est-ce que tu veux commencer pour la partie spoiler? Qu'est-ce qui t'a un peu dérangé? Qu'est-ce qui t'a moins dérangé? Ce qui m'a dérangé, c'est que tu vois tout arriver d'un bout à bout, hein. Enfin, à peu près tout. Sauf quelques surprises agréables sur les Skrulls, ça j'ai bien aimé. Mais après, voilà, pas le personnage de femme forte, c'est vu et revu dans les trucs, mais pourquoi pas, hein, ça passe. Moi je trouve que ça passe bien dans le film, ça choque pas spécialement, parce que il n'enfonce pas à coup de pelle, tu sais, le symbole de femme forte. C'est ça. C'est que, bon, on a un peu la caricature de la petite fille qui se relève toujours, qui chute, mais qui se relève toujours. Il y a, bon, après, il y a l'espèce d'entraînement avec l'aviation. En fait, c'est un film qui est un peu, je vais dire, divisé. Enfin, pas divisé, mais réparti. Parce qu'il faut vraiment voir toutes les scènes pour vraiment avoir une historique de Carol Danvers, pour savoir ce qui lui est arrivé, que ce soit de sa jeunesse, de son entraînement de pilote d'avion à l'expérimentation d'une espèce de super avion sonique, quoi, on va dire, avec notamment la présence de Lawson. Là, c'est un gros clin d'œil, en fait, au Captain Marvel original, vu que là, le personnage s'appelait aussi Lawson à l'origine. Ouais, puis bon, il y a quelques trucs, moi, que j'ai noté, comme le choc, quoi, on s'y attendait un petit peu, mais ça surprend quand même un petit peu. Ouais, c'est le MacGuffin du film, ouais. c'est le choc, en fait. Ouais. Bon, après, pour ceux qui connaissent un peu l'univers Captain Marvel, moi j'en avais parlé dans les trailers sur Captain Marvel, bon ben voilà, le chat c'est un Flerken, et puis à un moment, tu le sens arriver gros comme une maison, quoi, vu qu'il est toujours là. Ouais. Bon, tu sais pas comment ça va être présenté à l'écran, parce que t'as un peu peur que ça fasse un peu CGI dégueulasse, là ça passe un peu plus, mais c'est assez surprenant que cette grosse bête, cette petite bête, elle crache autant de tentacules et de la créature un peu Lovecraftienne, quoi, tu vois. Voilà, ça fait pas trop dégueulasse, ouais. C'est pas le roi scorpion non plus, donc ça. On n'est pas à ce niveau-là, mais bon. Donc ça a dû être fait par des Japonais, est-ce que les tentacules sont bien réalisés? Ouais, on va dire ça. Influence hentai, à ton avis? En culotte? Mais sinon, non, ça passe, hein, je dis, voilà, le chat, ça passe, ça fait, ouais. Ça fait un peu entre MacGuffin et Deus Ex Machina, mais ça va, ça passe. C'est complètement ridicule de la façon dont il perd son œil, quoi. Il se prend un coup de griffe dans l'œil, puis voilà, quoi, il y a une infection, puis il perd son œil. Voilà, ça c'est le détail sur l'œil de Nick Fury. Je trouve que Nick Fury, là-dedans, il est complètement raté. Quoi, c'est le comic relief, voilà. Ouais. Là-dedans, Nick Fury, c'est pas un super espion, c'est juste un comic relief, et puis qu'il y a des bases d'espionnage. Ouais, mais ça fait comme une grosse différence, après, avec le personnage. Je me répète un peu ce que je dis, mais il y a quand même une grosse différence avec cette espèce de soldat rigide qu'on a dans les autres films, quoi. Il y a une différence avec la BD, mais ça, c'est pas grave. Mais alors oui, ça tranche complètement avec le Nick Fury qu'on connaît depuis le MCU. Par le show, niveau extraterrestre, comme tu l'annonçais, les Skrulls, c'est la grosse surprise du film pour moi. Bah oui, les Skrulls, normalement, c'est une race aussi belliqueuse que les Kree, parce qu'ils partagent aussi une intelligence en commun. Invasif aussi, ouais. C'est très invasif, ils sont manipulateurs, c'est des métamorphes qui sont capables de se fondre pour faire péter une société de l'intérieur, tout simplement. Ouais. Et puis là, non, en fait, c'est juste des réfugiés politiques, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des réfugiés, ouais, parce qu'ils ont leur planète qui ont été exterminée, donc ils n'ont pas d'autre choix que de mener une espèce de conflit, on va dire, de rebelles, c'est en quelque sorte des rebelles, contre l'Empire Kree, qui est quand même envahissant. D'ailleurs, il y a la présence de Ronan, que j'ai trouvé aussi nul que dans les Gardiens de la Galaxie. Ouais, c'est un péteux, Ronan. Ouais, ouais. Donc le mec, pour résumer, dès qu'il a affaire à une bonne femme qui a des gros, des super pouvoirs, il se barre. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu ça, la scène. Allez, envoie-lui des missiles. Ah merde, elle les a enlevés. Oh, putain, elle a explosé un vaisseau. Ouais. On se casse. C'était ridicule, je trouve. Je trouve que de mettre un personnage comme Ronan, qui est quand même assez, qui a une réputation de, avec son gros marteau, je sais pas si tu te souviens de. Bah, des gardiens de la galaxie, ouais, numéro 1, voilà. Ouais, qui était un exterminateur, quoi. Là, bah, il fait dans son froc, quoi, littéralement. Quoi. Ouais. Donc voilà, quoi, pour Ronan, pour les Skrulls, grosse surprise. Des bons, des personnages, ouais, intéressants. Niveau transformation, je trouve que c'est pas mal fait non plus. Puis le maquillage passe très bien. C'est-à-dire que. Il y a des moments. Il y a certaines émotions qui passent bien dans le visage. Il y a des moments, ça fait un peu latex, mais ouais. C'est surtout dans les personnages non principaux. Ouais. Surtout le gamin, là, tu te dis, bon, c'est un peu latex, ouais. Mais ça va. Pris dans le moment, ça passe. Ça passe. Bien, donc les Skrulls, qu'on rappelle quand même, à l'origine, étaient des personnages qui sont issus des 4 Fantastiques. Hein. Alors moi, je sais pas comment ils sont issus. Moi, la première fois que je les avais vus, c'était avec Norrin Rad, avec le surfeur d'argent. Ouais. Le surfeur d'argent, donc le fameux surfeur d'argent et Galactus, voilà. Évidemment. Mais puis il a créé l'Empire Kree, donc cette guerre, ouais. Mais l'histoire du guet-apens, moi j'ai senti arriver à 1000 km, hein. Je sais pas si pour toi, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de louche, une extradition, ils vont sur cette espèce de site, j'ai senti tout de suite le traquenard des Skrulls, en fait. Ouais, puis quand il lui dit non, vas-y pas toute seule. Oh, puis si, vas-y toute seule. Enfin, ça ouais, bah, il y a un rogue aussi, là, il y a un problème avec le personnage du Jude Law. Ça fait un peu scénario, hein. Ça fait bon, bah, le scénario, il dit tu dois y aller, bah, vas-y, ma gueule. Ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de facilité. Ça, je reconnais que niveau facilité, ils ont pas été de main morte. Mais bon, l'ensemble reste divertissant. Mais est-ce qu'on a d'autres choses à faire? Ah oui, on parlait de la fibre intergalactique, par exemple. Qu'est-ce que t'en penses? Bah voilà, moi je croyais déjà que mon docteur Who, c'était capillotracté, le fait de pouvoir utiliser un téléphone portable dans le temps et l'espace. Mm-hmm. Mais apparemment, les cris, ils savent le faire depuis des générations. Donc ça passe. Une vieille Game Boy, une vieille machine qui traîne, un vieux câble et une cabine téléphonique, et paf, on passe des appels intersidéraux. Ça fait vraiment MacGyver, quoi. Ouais, dans une autre galaxie à 22 parsecs, ça passe. Hein. Deux galaxies. Il y a deux galaxies, attention. Ouais, un beeper qui peut aller sur deux galaxies différentes. Ouais. Ah, il va aller dans le beeper, d'ailleurs, c'est le beeper qu'on voit à la fin de... La scène de post-générique de Avengers Infinity War, pour souvenir. Ouais, le beeper que Fury Road sort de sa poche. D'ailleurs, bon, on vous parlera de la scène post-générique après. Mais D'ailleurs, Fury, il chie, hein, parce qu'il appelle Marvel quand la moitié de l'humanité se fait détruire, mais quand les Chitauri débarquent, il ne l'appelle pas. Non, mais on va en parler avec la scène post-générique. Moi, je trouve qu'au niveau scénario, c'est complètement foiré, Infinity War, mais bon. Mais voilà, quoi. Est-ce qu'on peut rajouter bah ouais, il y a un truc, c'est pas spoiler, mais on aurait dû le dire, c'est l'ouverture du logo Marvel avec Stan Lee, avec toutes les images de Stan Lee. Ouais, ça c'était beau quand même. Donc c'est une ouverture à la Marvel Cinematic Universe, mais au lieu d'avoir les BD ou les extraits de films, c'est tous les caméos de Stan Lee, et franchement, ouais, ça m'a fait plaisir à voir. Ouais, c'était bien sympa, donc je pense qu'on le reverra pour une Endgame et peut-être Spider-Man Far From Home, qui devrait sortir en juillet. Ouais, Endgame, je sais qu'il y a dedans, From Home, je sais plus. Ouais, donc voilà. Mais on a fait le tour du. On va pas non plus tout raconter le film. Mais... Ah, moi je vais juste raconter quelques incohérences du scénario. Allez, voilà. Quand elle est face à l'intelligence suprême et qu'elle est en train de se battre psychologiquement, elle est en train de prendre feu et de dévoiler ses pouvoirs et personne tire dessus. Tu vois ce genre de truc à la con. Par contre, c'est une facilité scénaristique, effectivement. Bah ouais, elle est là, tout le monde regarde, qu'est-ce qu'on fait? Bah je sais pas, il marquait quoi dans le scénar? Bah il marquait qu'on fait rien. Bah on fait rien. Putain, les cris, c'est tout des fonctionnaires en fait. Enfin, je crois qu'il était 16h à leur montre, alors ils ont dit ouais, on se casse plus le cul, quoi. Ah ouais, non, il y a l'heure, on se casse. Et on est à RTT aujourd'hui. Non, c'est vrai que cette scène-là, elle est un peu too much. Ouais, puis bon, après, on sait bien qu'elle va se libérer. Alors, il y a une espèce de puce. Ça, on l'a vu dans plein de films, la puce qui contrôle le pouvoir des personnes. Même dans Thor Ragnarok. Hein. Ouais, aussi, ouais. Mais ça, c'est pas non plus super original. Mais visuellement, ça envoie du beau, quoi. Puis, ouais, elle tombe dans le vide, et puis, bah, au dernier moment, elle arrive à voler, quoi. Ouais, power up, hein, ça fait un peu Superman, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait entre Superman et Son Goku. Superman et Son Goku. Alors, la séquence du Queen Jet, elle est sympa, mais... On se posait une question. Elle m'a fait passer le... Ça m'a rappelé, tu sais, quand il s'évade du vaisseau, l'évasion de Will Smith et de James Goldblum dans Independence Day, tu sais, il manque plus que le Windows... Windows 95. C'est un virus en lui-même, cet enculé. Mais bon, le Queen Jet, ouais, tu pensais que c'était une technologie star, là, faudra vérifier, mais je pense que comme le carrière, ça doit être une... ça doit être une autre industrie qui doit fabriquer ça. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. Ouais. C'est, voilà, ça sert le scénario. Bah, je pense, tant qu'ils sortent pas le Faucon Millennium, tout va bien. Ou les X-Wing. Ouais. Non, les séquences spatiales, qu'est-ce qu'on a pensé du peu que. Bah, faut dire ce qu'il faut, les scènes d'action sont bien. Elles sont bâclées, mais bien, c'est-à-dire qu'elles sont hyper rapides. C'est vrai. Elle bat une armada en 10 secondes, quoi. Elle est overpétée de poux. C'est vrai que c'est un peu facile, elle traverse le vaisseau, et puis le vaisseau, il part en morceaux, quoi. Ouais, bah en et fait. Et puis l'autre, il fait dans son froc. Elle fait une vitesse subliminique dans le vaisseau. Ouais. Non, merde, je confonds, ça, c'est dans Star Wars. Il y a du moteur sporique dans l'affaire. Non. À un moment, quand t'as les punisettes qui fait une espèce de vrille. De 180, là. Je dis, j'attendais à ce qu'il y ait une espèce de nausée qui me prenne, mais bon, voilà quoi. On va passer peut-être à la première séquence post-générique quand même déjà. Donc on y voit Captain America et Black Widow et Banner et y a aussi War Machine qui est là. Donc ils sont à 4 autour en train de se lamenter, ils sont tous morts. Bon, ils sont en train de compter les disparus, ouais, ça augmente. Un peu comme dans le trailer de Endgame. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Et voilà, donc ils vont activer le. Ils se demandent pourquoi Fury a activé le. Comment ça s'appelle cet appareil du jour ? Ouais, un beeper. Ouais, le gros beeper intergalactique. Donc il l'alimente en continu, puis à un moment il s'éteint. Ouais, et puis il s'éteint, et puis tout d'un coup, t'as Carole qui est là derrière, il se demande où est Fury ? Bah ouais, mais moi j'ai envie de lui poser une question à Carole. T'étais où quand Thanos a débarqué sur Terre ? Bah on va le savoir dans Endgame. Ouais. Ouais, mais il aurait pas dû venir avant que l'autre il serve de son gant, je sais pas moi. Bah on devait venir même à l'épisode des Chitauri, hein, tu m'as dit qu'on en discuterait. Ouais, les Chitauri, ça va quoi, ils maîtrisent le truc quoi, mais. Il y a plein de surprises qui s'annoncent pour Endgame. Voilà, qu'est-ce que t'as pensé déjà de cette post-générique ? Moi, je trouve que pour une fois, elle raccordait bien entre les deux films. Tu vois, cette scène post-crédit, elle est là juste pour rattacher le film Marvel, enfin Captain Marvel, à l'univers Marvel. C'est dur hein, à dire tous les Marvel. Donc, dans l'ensemble, t'as pensé que Captain Marvel, c'était juste une espèce de bouche-trou un peu du MCU, quoi. Ouais, moi, ça m'a fait penser à un petit plat d'hors d'œuvre qu'on te sert avant le plat principal. Ouais, c'est-à-dire que t'as pris l'apéro, maintenant tu prends les hors d'œuvre, le temps de pouvoir casser la graine à quelque chose de plus consistant. Ouais. Voilà, moi, la litanie que je pourrais faire, c'est ça. Ouais, c'est une espèce de prologue à Avengers Endgame. Voilà. C'est pas vraiment une origin story de Captain Marvel. Non, c'est un blockbuster en attendant. On nous jette un petit quignon de pain à manger. Il est mangeable, il est pas indigeste, donc ça passe. Un peu fait dans la vie, dans la précipité. Parce qu'on a des plans pour Marvel, pour le MCU, faut balancer la sauce, quoi, tu vois. C'est un peu ça, quoi, le Captain Marvel. Ouais, puis c'est aussi pour... qu'ils ont voulu faire un équilibre de force, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de personnage overpété avant, et ils se sont dit, allez, on a Captain Marvel qui arrive, elle est overpété, et voilà, elle va pouvoir coller une patate de forain à Thanos. Overpété, quand même, dans le film, je trouve. Ah, très vite, hein, elle enlève son inhibiteur, et pouf. Puis il y a un truc que moi, je trouvais bizarre, c'est qu'elle avait besoin de son casque pour respirer, t'es d'accord avec moi ? Ouais, et puis à la fin. Et puis à la fin, elle s'envole sans son casque. Non, c'est parce qu'elle a eu Superman 4 à la fin. Elle s'est dit que c'était plus la peine. Ouais, comme elle a vu, il y a un moment dans une scène, tu dis ça parce qu'on va préciser aux auditeurs, qui sont pas nombreux, mais bon, on s'en fout, que de dire que Superman, à un moment, il y a Nuclear Man qui enlève une femme, la directrice du Daily Planet, et qui l'emmène en orbite de la Terre, carrément. Donc, tout d'un coup, elle peut respirer dans l'espace. C'est ça qui est un peu bizarre, et Superman la ramène, bien sûr. Ouais. Et donc, cette femme, elle a aucun souci d'oxygène, donc c'est pour ça que... Ah, moi, je pensais plus à quand il va voir les cosmonautes, là, qui ouvrent le truc et qui leur parlent. Ça va, les mecs, je vous ramène sur Terre. Ah, non, c'est pas cette pas scène de dépressurisation, les mecs, ils peuvent respirer dans l'espace. Il n'y a plus cette scène avec la femme qui va dans l'espace, là. Celle-là, non. Ouais. Ah non, j'ai trop adoré ce film, je l'ai oublié totalement. Il est tellement culte, surtout la séquence de la miracle du film, mais Je vous invite à réécouter notre podcast sur Superman, parce que là, vous allez adorer. Le gros podcast qu'on a fait spécial Superman, déjà. Donc elle met sa combinaison pour respirer quand elle bat Ronan. Ouais. Enfin, elle le bat pas, elle l'intimide. T'as vu, en gros, ça fait comme si on montrait ses muscles. Elle est éclatée. Du coup, il dit, bon, on se casse, là, elle a besoin de sa combinaison, et après, elle n'a plus besoin. Et Ronan, il doit changer de slip. Ah ouais, là, ça fait vraiment... on va tous les tuer. Oh putain, elle a des pouvoirs, on se casse. Ouais, parce qu'il était pas exterminé la Terre, d'après ce que je voyais avec ses super missiles. Bah ouais. D'ailleurs, c'est fort pratique. Elle repousse un missile. Et tous les autres explosent. C'est un peu comme dans Superman. T'as jamais vu la scène de Superman quand il balançait un coup de pied dans le missile ? Ouais, avec tous les autres explosent. Tous les autres explosent. C'est exactement la même scène. C'est pareil. Ouais. Donc, il y a quelques références bien placées aussi, là. Voilà pour la première scène post-générique. Puis la deuxième, c'est pas la peine de rester jusqu'au bout, parce qu'elle est un peu ridicule. Hein. Bon, non, c'est le Flerken qui dégueule le Tesseract. Ouais, enfin, le Flerken, c'est le Goose. Ouais, le chat. Et Goose, c'est une référence à pilote de Top Gun avec Tom Cruise. Et à l'origine, parce qu'à l'origine, le chat devait s'appeler Chewie. Ils ont pas eu les droits. Donc, si, c'est Disney, donc ils ont pas le droit. Mais le problème, c'est que apparemment une histoire de mode avec Star Wars, dans les années 80, quoi, ils ont pris le nom de Goose parce que Top Gun, c'était plus, on va dire... En plus, Goose, en plus Top Gun, c'est les F-15, c'est l'aviation, donc ça colle parfaitement au personnage, on va dire. Voilà pour ce qu'on pouvait dire pour Captain Marvel. À moins que t'as d'autres choses à rajouter. Non, moi voilà, je voulais juste le noter, hein, pour faire comme d'habitude. Donc la note finale. Moi, je vais lui mettre un 2,5 sur 5, mais pas plus. C'est-à-dire qu'on passe un bon moment, mais ouais, c'est un film que je vais me coucher ce soir, voilà, je vais déjà commencer à l'oublier. Ouais, je vais aller jusque 3,5 quand même. J'avais détesté Aquaman, j'ai vraiment senti trouver ça chiant. Et là, j'ai retrouvé, j'ai été pris par le film. Donc, un bon 3,5, on va dire. C'est pas mal. Bon, je suis peut-être un petit peu généreux, mais il y en a parce que j'ai entendu qu'il y en avait beaucoup qui ont détesté ce film. Et la critique est pas très bonne. Ouais, les critiques sont pas bonnes, mais de là à le détester, non, je comprends pas. Non, mais on crache dessus carrément. Il est pas détestable comme un Star Wars 8. Ouais. Voilà, fallait faire le point Star Wars 8 pour dire à quel point on déteste Kylo Ren et Hux. On n'est pas du tout impatient de les retrouver en décembre 2019. Mais si on veut le comparer à du MCU, il est mieux qu'un Iron Man 2 ou un Thor 2. Et par rapport au dernier, si on peut parler par exemple de Black Panther ou de Ant-Man and the Wasp. Bon, il est mieux qu'Ant-Man and the Wasp, un peu moins bien que Black Panther. D'accord. Donc on a une bonne échelle de valeur, voilà, pour tout ce qu'on disait. Donc notre pote Stanley, ça nous a bien fait plaisir, d'autant plus qu'il y a une scène dans le métro où il apparaît et Captain Marvel lui sourit. Donc c'était sympa, je trouvais ça sympa. Donc les méchants, ce sont les Skrulls. Et vous êtes une Kree. Une lignée de nobles guerriers. Héroïque. Nobles guerriers héroïques. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.